Chapitre 15e. Vienne et Paris se disputèrent bientôt ce fameux bouffon qui était devenu l'idole des Italiens. Mais Louis XIV était si généreux que Scaramouche, dans le cours de l'année 1660, se mit en route pour Paris avec l'agrément du prince de Parme. Il alla au palais pour prendre congé de son protecteur. Le Suisse commence par refuser l'entrée aux visiteurs et, pour fléchir l'opiniâtre Cerbère, Tiberius se voit dans la nécessité de lui promettre un tiers de sa gratification, si toutefois il en recevait une. Même comédie de la part du premier laquais. Promesse d'un second tiers. Enfin, à la porte du cabinet du duc, nouvel obstacle. Le valet de chambre prétend que son maître a défendu de laisser entrer personne. L'abandon du troisième tiers lève cette dernière difficulté. Voilà donc Scaramouche en présence du prince. Celui-ci proteste que sans les instances réitérées de Mazarin, il n'eût jamais consenti à se séparer de son acteur favori. « Mais je veux, ajoute-t-il, que tu emportes un bon souvenir de ton séjour dans mon duché de Parme. Fixe le chiffre toi-même. »« Le chiffre ?» répond Scaramouche. « Je supplie, votre Altesse, de m'octroyer la faveur de 100 coups de bâton. » Le prince, ayant manifesté son étonnement, Tiberio lui raconta la scène qui venait de se passer entre lui et les trois domestiques. « Par notre Saint-Père le Pape, tu seras satisfait. » Le Suisse, le premier laquais et le valet de chambre reçurent chacun leur part des 100 coups de bâton et leur congé par-dessus le marché. L'histoire ne dit pas que cet exemple ait profité à leur successeur. Les intentions généreuses du prince à l'égard de Scaramouche n'en furent pas moins remplies. Seulement, pour lever les scrupules du comédien, qui aurait pu se croire lié par ses trois promesses, la gratification fut mise à sa femme. Pendant son voyage d'Italie en France, Tiberio Fiorelli ne découvrit point de pays nouveau. Il était accompagné de Marinette, et le plus parfait accord régnait dans le ménage au moment où ils entraient dans l'unique hôtellerie de la Grande Croix, à 10 heures du soir, route du Mont-Cenis. Malheureusement, tout était unique. Dans cette unique hôtellerie, qui n'avait au service des voyageurs qu'une seule chambre et un seul lit, déjà occupé par deux colporteurs. L'hôte proposa donc à Scaramouche d'étendre dans un coin de la cuisine deux bottes de paille d'une entière fraîcheur en guise de grabat. Marinette repoussa avec indignation cet accommodement, mais Tiberio, après avoir fait un signe d'intelligence à sa femme, répondit d'un ton conciliant « Ne pourriez-vous au moins, mon brave homme, faire allumer du feu dans la chambre où sont cachés ces colporteurs, puisque vous n'en avez pas d'autre, et nous permettre d'y passer tranquillement la nuit assis sur des chaises ?»« Oh, pour cela, rien de plus facile, » répondit l'hôte. « Deux bottes de paille, au lieu d'un bon lit, » soupira Marinette. « L'essentiel est d'être installé dans la chambre, ma chère âme. Le lit viendra ensuite, s'il plaît à Dieu. » Pendant que la jeune comédienne s'asseyait près du feu, Tiberio tira une corde de sa valise et se mit à l'examiner. « Passe-moi du savon, femme, » dit-il de sa plus grosse voix. « Du savon, pourquoi faire ?» demanda Marinette, surprise. « Pour en frotter la corde avec laquelle je dois pendre demain, Tortaglia, ce voleur de grand chemin. Tout bourreau que je suis, je tiens à travailler avec conscience. Je serais bien fâché de ressembler à mon frère, le ladre. Pour épargner deux sous, il n'use point de savon et fait languir les pauvres patients. » Marinette regarda Scaramouche avec des yeux effarés. Et elle commençait à craindre qu'il ne fût devenu fou. Un clignement d'yeux significatif fit mourir sur ses lèvres l'exclamation qu'elle allait s'en échapper. « Pour moi, continua-t-il, j'ai de l'honneur et j'exerce ma charge avec humanité. Mon père m'a enseigné tout ce qu'il y a de plus subtil dans mes fonctions. Grâce au ciel, ces leçons n'ont pas été perdues, et je puis, sans vanité, me flatter d'être le plus habile bourreau qui soit à 100 lieues à la ronde. » Au même instant, Marinette surprit un chuchotement dans la direction du lit. Elle voulut se retourner. Un nouveau clignement de Tiberio l'en empêcha. « Tu as vu ? » dit-il en continuant de frotter la corde avec un sérieux imperturbable. « Tu as vu comme j'expédiais l'autre jour ces misérables qui avaient assassiné un courrier ? Eh bien, chère âme, crois-tu qu'il soit possible de s'en acquitter plus lestement ? Quoique la justice eût ordonné qu'ils expirassent sur la roue, leurs parents m'ayant offert 4 pistoles, Je ne laissais pas de leur donner le coup de grâce. » Un léger bruit résonna du côté de la porte. Marinette regarda à l'allure du feu qui pétillait dans l'âtre, et l'étrange discours de Scaramouche lui fut expliqué. Les colporteurs, qui n'en avaient pas perdu un traître mot, persuadés que les voyageurs introduits dans leur chambre étaient effectivement le bourreau et sa femme, s'étaient tout doucement glissés dans la ruelle du lit et de là sur le palier. Ils étaient décidés à coucher dans la rue plutôt que de rester en si horrible compagnie. Tiberio ferma la porte, retourna les draps et se mit joyeusement au lit.